Quand tombent les flocons, le pouvoir de la révélation. On peut voir comment les pronostics se réalisent. Lorsque l'Espagne, pas plus tard qu'hier, a propagé ses listes anti-vaccination, M. Spahn a en même temps fait la une des journaux en déclarant qu'il ne devait y avoir aucun droit spécial pour les personnes vaccinées. Celui qui connaît le langage de la déformation maçonnique du sens sait donc déjà avec certitude que bientôt ce sera tout le contraire qui sera réalité. On peut voir comment les pronostics se réalisent. En Allemagne, ceux qui sont vaccinés retrouveront bientôt leur liberté, alors que pour la plupart, les restrictions continuent d'être valables. Le gouvernement veut privilégier tous les vaccinés et les immunisés. Pour celui qui est vacciné, c'est nouveau. Il suffit de montrer son passeport vaccinal. Il y a de fortes chances pour que cette décision passe cette semaine et que ce soit valable à partir de samedi. Et voici le plus récent discours d'Ivo Zasek. Après cette déclaration récente d'Angela Merkel, sous forme d'oracle, la pandémie ne sera vaincue que lorsque tous les habitants du monde auront été vaccinés, et après la promulgation par nos gouvernements d'une loi destructrice après l'autre, il n'y a aucune amélioration en vue. C'est seulement une pression suffisante de la part des citoyens qui pourra faire plier ces dictateurs obstinés et mettre fin à leurs plans négligents, y compris leur désir de domination mondiale. Et s'il vous plaît, ne vous plaignez pas à nouveau de ne pouvoir rien changer en tant qu'individu. Nous le savons. Mais l'hiver qui vient de s'écouler nous a montré une fois de plus, de manière très claire, ce qui est possible. Mets-toi en ce moment à la place d'un seul petit flocon de neige. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un flocon ne pèse que quelques milligrammes. S'il s'assoit tout seul sur la couronne, coronavirus symbolique, d'un arbre monstrueux essaye par exemple de le défier, il fait l'expérience de manière très réelle de son impuissance désespérée, de son horrible infériorité. C'est vrai. Mais dès qu'un grand nombre de flocons de neige le rejoignent et qu'ils se posent tous en même temps sur la couronne de l'arbre, je vous le dis, même le plus grand arbre s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé cet hiver sous nos yeux. Les arbres les plus impressionnants se sont littéralement effondrés sous l'effet des masses de neige qui sont tombées et des milliers de couronnes gisent sur le sol. Tirons-en des leçons. Prenons cela comme un symbole de la vérité. Nous ne sommes en aucun cas impuissants. Car c'est dans notre unité inébranlable, dans la résistance active, dans notre synergie et notre cohérence que se trouvent toujours les clés les plus centrales pour changer ce monde. Mais les utiliserons-nous? Et si c'est le cas, la question est de savoir laquelle des nombreuses couronnes d'arbres nous devons privilégier et sur laquelle nous devons nous poser ensemble. Voici ma suggestion. Ce qui tourmente principalement l'humanité actuelle et la rend complètement folle, ce ne sont pas d'abord des faits visibles et donc compréhensibles, voire tangibles, pas même les tragiques situations avec le Covid-19. Car, comme on le sait, seuls quelques rares d'entre nous ont la chance de les voir. Non, ce sont plutôt les éléments invisibles, non tangibles pour le commun des mortels, et donc aussi non compréhensibles, qui nous tourmentent d'heure en heure. J'aimerais donc mettre en conscience 17 de ces facteurs invisibles, afin que nous puissions nous positionner en conséquence et en tirer les conclusions nécessaires. Pour le commun des mortels, les facteurs suivants sont absolument intangibles, car invisibles. Premièrement, chaque virus, y compris chaque prétendue nouvelle mutation, est invisible. Deuxièmement, les contre-voix d'experts éminents sont largement invisibles pour la majeure partie de la population. Troisièmement, la voie de transmission et toute nouvelle infection sont invisibles jusqu'à leur apparition. Quatrièmement, le contenu des vaccins et les différences entre les vaccins sont invisibles pour le peuple. Cinquièmement, l'efficacité des masques et toute comparaison de ce que serait la situation sans les masques et les restrictions sont invisibles. Sixièmement, toute logique derrière les mesures contradictoires du Covid est invisible pour le peuple. Septièmement, la durée effective de l'ensemble de la crise est invisible. Huitièmement, les lois à venir sur les pandémies sont invisibles. Neuvièmement, des dizaines de milliers de vidéos de contrevoix supprimées de la prétendue pandémie sur Internet sont invisibles. Dixièmement, ni le nombre réel de dommages causés par la vaccination, ni leurs effets tardifs, ni les cas non déclarés ne sont visibles. Onzièmement, le véritable degré d'atteinte à la santé est invisible. Douzièmement, les vraies pertes dues aux restrictions forcées sont invisibles. Treizièmement, la véritable causalité entre le crash financier et la pandémie, lequel est arrivé en premier, est invisible. Quatorzièmement, les interconnexions d'innombrables politiciens avec l'industrie pharmaceutique, les loges secrètes et autres sont invisibles. Quinzièmement, les intentions inhumaines qui se cachent derrière les prétextes philanthropiques ne sont pas visibles, par exemple les intérêts sans scrupules du lobby pharmaceutique. Seizièmement, la collusion des loges secrètes et des conférences secrètes impliquées est invisible. Dix-septièmement, les affiliations aux loges secrètes et les conflits d'intérêts d'innombrables politiciens de premier plan sont invisibles. Et maintenant, la question cruciale. Comment vaincre des fléaux invisibles? Et voici la réponse très simple mais logique. On devient maître de tous les fléaux invisibles en les rendant visibles. C'est très simple. Rendre visible, oui, mais quoi et comment? Comment, par exemple, rendre un virus visible pour tous? Je vais répondre non seulement à cette question, mais aussi aux 17 questions précédentes. Et voici comment que ça fonctionne. Premièrement, chaque virus, y compris chaque prétendue nouvelle mutation, est invisible. Mais vous voyez, ce ne sera le cas que si nous réussissons à obtenir que tous les experts virologues, épidémiologistes, etc., dont les objections et les arguments ont été jusqu'à présent catégoriquement refusés, puissent s'exprimer en détail et devant le peuple. Ils nous emmèneraient tous dans un voyage scientifique dans le monde du microcosme microbiologique et rendraient visibles tous les facteurs qui sont délibérément maintenus invisibles pour nous tous. C'est là l'essentiel. Grâce à cela, les peuples seraient conduits d'une expérience d'émerveillement à l'autre et ils seraient libérés de toute panique inutilement fomentée. Deuxièmement, les contrevoix d'experts éminents sont largement invisibles pour la majeure partie de la population. Mais cela prendra fin le jour où un nombre suffisant de personnes l'exigeront à nouveau collectivement et ne permettront plus que de telles censures criminelles se poursuivent. Troisièmement, la voie de transmission et toute nouvelle infection sont invisibles jusqu'à leur apparition. Oui, et c'est juste. Et qu'il en soit de même à l'avenir, parce qu'il s'agit d'un ordre de la création qui fait autorité avec lequel, d'ailleurs, nous avons toujours coopéré de manière salutaire. La nature ne légitime comme preuve mesurable d'une maladie physique que l'épidémie visible et non pas quelque chose de mystique et absolument invisible à l'œil. Sinon, d'une part, tous les paresseux pourraient simplement simuler n'importe quelle maladie. Et d'autre part, les personnages dominateurs et avides d'argent pourraient tout aussi librement inventer n'importe quelle maladie ou épidémie et en tirer profit. Les maladies visibles, cependant, nous ont toujours servi pour notre éducation, notre autorégulation et notre développement. Elles nous ont notamment conduits, sans microscope, à des pratiques d'hygiène générale. Une pensée pour le docteur Semmelweis. Ces pratiques d'hygiène nous ont délivrés presque du jour au lendemain de maladies contagieuses qui étaient auparavant insurmontables et mortelles, jusqu'à ce que les inventeurs de vaccins nous les ramènent, malheureusement. Mais vouloir contrôler ces dimensions invisibles par voie intraveineuse, avec des cocktails de poison produits en laboratoire, et reste aussi contre nature que si on voulait éteindre des feux avec de l'essence, contrôler le vent à main nue ou attraper la lumière avec des paniers. Vous comprenez? Que la nature ne nous ait donné que l'épidémie visible pour évaluer une maladie certaine, c'est une bonne chose. Car sinon, nous nous tracasserions tous ou nous devrions tous nous tracasser sans cesse, comme actuellement depuis le Covid-19, avec des soucis et des précautions sans fin. Une épidémie, en revanche, veut s'attaquer de manière sélective à ceux qui en ont vraiment besoin. La nature est ainsi faite, que ce soit pour l'immunisation naturelle, pour le repos prescrit, peut-être pour la contemplation, etc. Comme on le sait, la plupart des agents pathogènes sont déjà vaincus par notre système immunitaire avant que la maladie ne se déclare. Nous le savons. Mais la nature s'arroge également le droit de nous écarter du chemin de la maladie lorsque notre temps est écoulé. Devrions-nous toujours jouer avec les lois de la nature? Ou quoi, toutes les précautions que nous prenons par crainte et inquiétude doivent tôt ou tard nous rendre littéralement malades, nous tous au moins psychologiquement, ce dont les spéculateurs de sang-froid tireraient à nouveau sûrement un capital infini. Quatrièmement, le contenu des vaccins et les différences entre les vaccins sont invisibles pour le peuple. Mais là aussi, seulement jusqu'à ce que le peuple fasse pression de manière intransigeante pour la divulgation complète de tous les composants, jusqu'à ce que ce soit inscrit dans la loi. En fin de compte, chaque enfant doit pouvoir comprendre facilement ce qu'on injecte dans ses veines. La divulgation de tous les effets secondaires possibles doit être si étendue que chacun doit les connaître obligatoirement avant toute vaccination. La divulgation de tous les effets secondaires possibles doit avoir lieu avant toute vaccination. C'est mon slogan. Cette information générale doit être exigée à travers une loi par tous ceux qui acceptent de se faire vacciner. Ce n'est que de cette manière que l'invisibilité, cette menace, perdra du jour au lendemain son pouvoir sur l'humanité. Cinquièmement, l'efficacité des masques et toute comparaison de ce que serait la situation sans les masques et les restrictions sont invisibles. Mais tout cela devient immédiatement visible dès qu'une décision populaire oblige les politiciens et les médias de masse à rapporter dans toute sa totalité ce qui s'est passé dans tous ces pays et régions où les gens n'ont pas porté de masque et ne se sont pas vus prescrire de confinement, etc., dans les mêmes conditions que nous. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent, parce que les médias sponsorisés par l'industrie pharmaceutique doivent vilipender tous ceux qui font ça. Ces cas restants de vie normale ont donc été jusqu'à présent cachés de façon délibérée et systématique. Au lieu de cela, les médias ont entretenu toute la fausse réalité qui a pu être mise en place rapidement par l'industrie pharmaceutique, grâce à un grand nombre de tests PCR frauduleux. Nous en avons fourni de nombreuses preuves. Sixièmement, toute logique derrière les mesures contradictoires du Covid est invisible pour le peuple. Cependant, une logique visible se dessine à partir du moment où le pouvoir populaire insiste à nouveau sur les faits purement scientifiques et interdit toute norme manipulée politiquement, colorée idéologiquement, influencée économiquement ou même dictée par la folie. Il serait alors immédiatement clair pour tout le monde qu'un virus, par exemple, ne frapperait en aucun cas moins dans un bâtiment fédéral que dans un magasin de meubles ou un restaurant. Comprenez-vous? Ou qu'un virus ne tiendrait absolument pas compte d'une distance de 1,5 mètre un jour, de 2 mètres un autre jour et d'une séparation spatiale totale un autre jour encore? Un virus, selon des normes purement scientifiques, n'aurait pas non plus de considération pour une industrie ou pour les personnes qui se trouvent dans des bâtiments portant des symboles, etc. Un virus ne réagirait sûrement pas aux horaires imposés par le gouvernement et ne les prendrait pas en compte. Mais ce virus très intéressant, qui est purement invisible, semble être capable de faire tout cela et bien plus encore. Mais seulement parce que c'est une construction produite et contrôlée par l'économie et la politique. Septièmement, la durée effective de l'ensemble de la crise est invisible. Mais cela prendra fin le jour où nous exigerons tous, comme une avalanche, que toute la fraude des tests PCR soit rendue visible aux yeux du monde entier. Dès que toute cette fraude autour des tests PCR deviendra évidente, je vous dis que tout ce cauchemar sera fini, et cela sans aucune vaccination, sans aucun masque, sans aucune distance de sécurité. Huitièmement, les lois à venir sur les pandémies sont invisibles. Et Dieu merci, elles le sont, car sinon nous nous épuiserions encore plus. Mais dès que les points précédents seront devenus visibles et que nous, en tant que peuple, nous aurons exigé les conséquences appropriées pour tous ces fraudeurs de la pandémie, nous ne serons bientôt plus effrayés par aucune loi pandémique. Croyez-le, parce que les futurs représentants du peuple sauront pour des décennies ce qui leur arrivera, s'ils effraient les peuples avec des inventions pharmaceutiques invisibles, non mesurables, parce que totalement non scientifiques, illégitimes, s'ils les exploitent ou les ruinent. D'ailleurs, effrayer le peuple est toujours un acte criminel grave. Neuvièmement, des dizaines de milliers de vidéos de contrevoix supprimées de la prétendue pandémie sur Internet sont invisibles. Heureusement, elles deviendront même superflues une fois que, comme une avalanche, nous aurons imposé que les contrevoix scientifiques les plus importantes des sommités de la science, de la virologie, de l'épidémiologie, etc., soient partout rendues visibles. Dixièmement, ni le nombre réel de dommages causés par la vaccination, ni leurs effets tardifs, ni les cas non déclarés ne sont visibles. Mais encore une fois, c'est seulement tant que nous permettons aux instituts infiltrés par l'industrie pharmaceutique de garder les traces des dommages causés par les vaccins, vous savez, dès que nous aurons créé des bases de données absolument indépendantes, non trafiquées, exemptes de conflits d'intérêts, tout deviendra visible. En plus d'une vue d'ensemble complète des dommages causés par la vaccination, il faudra également des rubriques pour les effets tardifs de la vaccination, c'est-à-dire des cas non notifiés et autres. Grâce à ces visualisations, il n'y aura bientôt plus d'incertitude parmi la population sur le sens ou le non-sens des vaccinations. Onzièmement, le véritable degré d'atteinte à la santé est invisible. Cependant, dès que les liens entre les points précédents seront visibles, la préoccupation générale se tournera automatiquement vers les personnes saines ayant subi des dommages corporels, car elles sont incomparablement plus nombreuses que, notamment, les malades fictifs produits par les tests PCR. Au lieu de la redistribution planifiée de tous les biens des travailleurs aux super-riches, on pourrait commencer à redistribuer de manière bien plus utile les bénéfices des vols de Big Pharma et autres à toutes les personnes qui ont subi inutilement des dommages corporels. Et donc, il faut faire avec ces super-élites ce qu'elles ont déjà fait avec l'ensemble de la population mondiale et ce qu'elles ont bien l'intention de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Du jour au lendemain, des milliers de milliards d'euros seraient débloqués pour réparer les dommages causés. Les petites et moyennes entreprises attaquées de manière ciblée pourraient se redresser. Douzièmement, les vraies pertes dues aux restrictions forcées sont invisibles. Et celles-ci aussi deviendraient progressivement visibles parce que leur divulgation ne pourrait plus être toujours empêchée par ces mêmes personnes infiltrées et celles qui nuisent aux populations. Treizièmement, la véritable causalité entre le crash financier et la pandémie, lequel est arrivé en premier, est invisible. Dès que ces experts seront de nouveau visibles au public, eux qui peuvent montrer sans aucun conflit d'intérêts ce qui se passe réellement depuis des siècles, même les personnes les plus incompétentes comprendront que ce n'est pas une pandémie qui a provoqué le krach financier mondial, mais que c'est l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, les grands spéculateurs ont créé des bulles financières sans précédent, parce que celles-ci doivent éclater au détriment de tous les peuples. Ils les ont délibérément cachées aux yeux de la communauté internationale. Ainsi, au lieu de plaider coupable pour les conséquences de ces spéculations avec l'argent des gens et pour les conséquences de ces pertes hautement criminelles, ils essaient juste de faire porter le chapeau à la pandémie. Quel mensonge! La pandémie devrait servir de bouc émissaire et de couverture pour la plus grande fraude financière de tous les temps. Mais je vous le dis, elle est percée à jour et littéralement poussée dans la conscience totale des peuples par une avalanche croissante de personnes. Quatorzièmement, les interconnexions d'innombrables politiciens avec l'industrie pharmaceutique, les loges secrètes et autres sont invisibles. Et c'est là que se trouvent les racines les plus vénéneuses de tout le mal actuel. Mais dès que le peuple redeviendra souverain et qu'il insistera sur la visualisation inconditionnelle de toutes les formes de ces interconnexions, et cela sans aucune lacune, afin que chaque citoyen de la Terre puisse le voir de ses propres yeux et mesurer le nombre inconcevable d'interconnexions illégitimes, il faudra que le dernier sceptique comprenne ce qui se joue ici et ce qui se joue en secret depuis très longtemps. Quinzièmement, les intentions inhumaines qui se cachent derrière les prétextes philanthropiques ne sont pas visibles, par exemple les intérêts sans scrupules du lobby pharmaceutique. Et là, nous atteignons progressivement le point névralgique. Sous le prétexte de la protection de la santé, tous les politiciens et médias contrôlés par l'industrie pharmaceutique, par le biais de leur passeport de vaccination, leur passeport vert, leur méthode de contrôle rigoureux des contacts, etc., sont en train de stigmatiser tous les non-vaccinés comme des nuisibles pour la population. Reconnaissez-le, comme Adolf Hitler, il donne à tous les non-vaccinés une nouvelle sorte d'étoile jaune. Prenez ça pour ce que ça vaut, c'est comme ça. Seulement cette fois, une étoile jaune invisible. Et c'est dans l'invisibilité que réside actuellement, comme je l'explique sans cesse, le principal danger. C'est pourquoi il est nécessaire de rendre visible cette étoile insultante invisible avant de l'introduire. Ce samedi, ils l'ont déjà annoncé, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui dans les médias. Il est donc urgent d'insister collectivement pour que, au lieu des non-vaccinés, on rende visible partout ceux qui veulent à nouveau étiqueter le peuple comme Hitler et le diviser en un système à deux classes. Car ici, pour ainsi dire, les racistes vaccinaux sont à l'œuvre. Reconnaissez-le, s'il vous plaît. Il faut procéder cependant avec eux comme ils procèdent eux. Dans le monde entier, avec tous les détracteurs de la vaccination ou les non-vaccinés, ils méritent leur propre chaîne, dans lesquelles ils veulent enchaîner tous les peuples trompés. 16e. La collusion des loges secrètes et des conférences secrètes impliquées est invisible. Il doit y avoir une divulgation sans condition de tous les arrangements illégaux et de tous les incroyables conflits d'intérêts de nos politiciens. Leur destitution déclencherait probablement un flot de la part des lanceurs d'alerte. Ils pourront enfin témoigner sans crainte lorsque leurs maîtres chanteurs ne pourront plus exercer de pouvoir sur eux. Cependant, je pense qu'ils mettraient en lumière tant d'horreurs que là encore, seule une partie d'entre elles pourrait être rendue publique, et ce par égard à nos enfants et à la fragilité nerveuse du peuple. Mais cette divulgation sans condition conduirait inévitablement à ce que toute forme de loge secrète et toutes leurs conférences secrètes soient à nouveau interdites à l'avenir, comme cela a d'ailleurs été le cas de nombreuses reprises en l'histoire. Si cette divulgation réussit, je le garantis, les gens se raconteront encore des siècles plus tard comment ils ont destitué et dépossédé ceux qui avaient déjà entrepris d'asservir et de dépouiller toute la population mondiale. 17e. Les affiliations aux loges secrètes et les conflits d'intérêts d'innombrables politiciens de premier plan sont invisibles. La Bible, qui a décrit il y a 2000 ans déjà toutes ces sociétés secrètes élitistes et leurs œuvres cachées, y compris l'industrie pharmaceutique avec les conflits d'intérêts qu'elle entretient, a également prophétisé en même temps quelle sera leur fin. Apocalypse 18:6 dit qu'il leur arrivera ce qu'ils ont fait aux nations, et même au double. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui se passera. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces membres des sociétés secrètes seront ou devront être tués, estropiés ou victimes de discrimination physique, comme ils l'ont fait dans le monde entier. Mais il est certain qu'ils seront sans compromis destitués, déchus de leur pouvoir, dépossédés et, selon le degré de leurs infractions, mis derrière les barreaux, subir une interdiction professionnelle, etc. Car c'est exactement ce qu'ils font dans le monde entier, par exemple avec de nombreux spécialistes éminents. Ils ne se contentent pas de les museler, mais ils les excluent délibérément de toute sphère politique et de toute possibilité de s'exprimer en public. En bref, comme une forte chute de neige, les peuples vont finalement se poser sur leur couronne, coronavirus, et se multiplier au-dessus d'elle jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement sur elle-même. Ensuite, ces personnes pourront poursuivre un travail vraiment charitable ou du moins raisonnable, comme nous le faisons tous. Je suis Ivo Sazek qui se tient devant Dieu depuis 44 ans.